بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله عز وجل الذي وفقنا وهدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فنحمده جل وعلا ونشكره على نعمه العظيمة، ونسأله جل وعلا الهدى والتقى والعفاف والغنى. وبعد، donc on va continuer inchallah sur l'explication du livre de l'unicité. Donc dans la dernière allocution, on a terminé un chapitre, on a terminé le chapitre dont on était en train d'étudier, et aujourd'hui inchallah on va commencer l'étude d'un nouveau chapitre qu'a évoqué l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala fi Jami' as-Sahih, dans son authentique. Donc il dit dans ce nouveau chapitre, Babu inna lillahi mi'ata ism illa wahida. Bab inna lillahi mi'ata ism illa wahida. Chapitre concernant le fait qu'Allah Jalla wa Ala a 100 noms moins 1. Donc il fait allusion ici au nombre 99. Wa qala ibn Abbas dhul jalal al-azama al-barr al-latif. Ensuite l'imam al-Bukhari, il va citer l'exégèse et l'interprétation de Abdallah ibn Abbas concernant le verset Dhul Jalal, où qu'il y a l'évocation, la mention de l'un des noms sublimes d'Allah Jalla wa Ala, Dhul Jalal. Et il dit Al-Azama, Al-Azama. Et concernant l'un des noms d'Allah Jalla wa Ala aussi mentionné dans le Coran, Al-Barr, Al-Barr, Al-Latif, Al-Latif. Ensuite, l'imam al-Bukhari, après avoir mentionné cela, il va citer le hadith d'Abu Huraira. Wa qala haddathana Abu al-Yaman akhbarana Shu'aib haddathana Abu al-Zinad 'an al-A'raj 'an Abi Huraira radiyallahu ta'ala 'an anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala inna lillahi 99 isman 100 illa wahida man ahsaha dakhala al-Jannah ahsaynahu ay hafidhnahu. Ensuite, l'imam al-Bukhari, après qu'il ait mentionné la chaîne de transmission et des transmetteurs, il évoque le hadith du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, où un jour le prophète a dit « Inna lillahi 99 isman 100 illa wahida » Certes, Allah appartient 99 noms, 100 moins 1. « Man ahsaha dakhala al-jannah » Celui qui les dénombre rentrera au paradis. Ahsaynahu est le sens de ahsayna, hafidhna. Le sens de dénombrer, c'est-à-dire avoir appris. C'est l'apprentissage. Et ça, on l'expliquera dans ce qui va suivre. Donc voilà ce que mentionne l'imam al-Bukhari dans ce chapitre. On va commencer d'abord par le titre. Donc l'imam al-Bukhari commence en disant chapitre concernant inna lillahi mi'ata ism illa wahida. À Allah, chapitre concernant le fait qu'Allah Jalla wa Ala à lui appartient sans nom moins. Donc on a dit, il a fait allusion ici au nombre 99, comme c'est mentionné dans le récit du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. L'auteur du commentaire, Shaykh al-Uthaymeen, dans son commentaire, il dit « Zahiru kalamihi hasr asma'ihi azza wa jal fi hadhihi tis'a wa tis'in » D'une manière apparente, ici lorsqu'on lit le titre, hein, comme il est évoqué par l'auteur lui-même, d'une manière apparente, ce titre laisse entendre, laisse paraître que Allah Jalla wa Ala détient 99 et que ce nombre de noms, les noms sublimes d'Allah Jalla wa Ala serait restreint à 99, à ce nombre-là, 99. Donc lorsqu'on lit le titre, ça laisse paraître et ça laisse entendre qu'Allah Jalla wa Ala détient 99 noms et que ce nombre 99, c'est-à-dire le nombre de ces noms sublimes, se restreint donc à 99. Et donc ça, c'est ce que le titre laisse paraître et laisse entendre d'une manière apparente. C'est pour cela que Shaykh al-Uthaymeen dit cela. Ensuite, il dit, donc ça laisse entendre l'un des deux avis. Pourquoi ? Parce qu'il y a un avis de savant qui considère que les nombres de noms sublimes et magnifiques de notre Seigneur, c'est-à-dire les noms divins, sont restreints à 99 noms. Et ça, c'est un avis chez certains savants. comme c'est rapporté d'après Ibn Hazm. Donc cet avis aussi, il est attribué à Ibn Hazm, al-Andalusi, ce célèbre savant, Ibn Hazm aussi, qui considérait que le nombre de noms divins était de 99. Tandis qu'un grand groupe de savants musulmans, la majorité des savants, disent que le plus juste, c'est qu'Allah Jalla Wala a plus que 99 noms. Et donc les noms divins ne sont pas restreints à 99. Mais qu'en réalité, Allah Jalla Wala nous a fait connaître 99 de ces noms. Sinon, Allah Jalla Wala a plus que 99 noms. Et donc, ils disent que les noms d'Allah ne sont pas restreints à 99. Et ça, c'est l'avis d'une grande partie de savants, de la majorité des savants, voire même, c'est un accord de tous les savants musulmans, comme l'évoque l'imam Nawawi. L'imam Nawawi, lorsqu'il a traité cette question concernant le nombre des noms divins, il dit que les savants sont d'accord, et se sont mis d'accord, les grands savants musulmans, sur le fait qu'Allah Jalla Wa'ala a plus que 99 noms. Il y a des noms dont Allah Jalla Wa'ala nous a révélé, nous a fait connaître, parmi ces noms divins, ces noms sublimes et magnifiques. Par contre, il y en a d'autres dont on n'en a point la connaissance et d'autres noms qu'on ignore, comme on avait déjà explicité cela dans des allocutions précédentes. Et lui, l'auteur du commentaire, Cheikh Mohammed Ibn Uthaymeen, rahimahullahu ta'ala, nous dit aussi que l'avis le plus juste, al-qawl rajih, annaha ghayru mahsura, que ces noms ne sont pas restreints à un nombre. Que ces noms-là, divins, ne sont pas restreints à un nombre. Wa istadallu lidhalik bi hadithi Abdullah ibn Mas'ud, bi hadithi Abdullah ibn Mas'ud fi du'a'i Allahumma fi du'a al-humum, al-ham wal-hazn, fi du'a al-ham wal-hazn. Wa fihi anna Nabi sallallahu alayhi wa sallam qala aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghayb 'indak. Fi 'ilmi al-ghayb 'indak. وهذا في حديث الحزن. Cheikh Uthaymeen nous dit ici que les savants se sont basés sur quoi pour dire qu'en réalité il y a d'autres noms dont on n'en a point la connaissance, et se sont basés sur le hadith relatant l'invocation du souci et de la tristesse. Donc il y a une invocation qui est célèbre, une invocation qu'on fait lorsqu'on est touché par quelque forme d'angoisse ou par de la tristesse ou de la détresse. La personne, si elle est angoissée, elle est attristée, alors le prophète, en somme, nous a enseigné des invocations contre la tristesse, contre les soucis, contre différentes formes d'angoisse. Et en l'occurrence, dans une de ces invocations, c'est pour ça que Cheikh Uthaymeen ici stipule bien, il fait allusion à cette invocation apportée par Abdallah ibn Mas'ud, ce récit-là, qui relate l'une des invocations célèbres contre la tristesse et al-hum, et les soucis. Et dans cette invocation, le prophète Hassan nous informe, nous enseigne que lorsqu'on est touché par des soucis ou bien de la tristesse, pour voir la dissipation de ceci, alors il nous a enseigné une invocation. Et à un moment donné, dans cette invocation, il est dit, et c'est de ce passage-là dont fait allusion l'auteur du commentaire, il dit ces noms. Ces noms, pour mieux comprendre, on va reprendre l'invocation au début, pour mieux comprendre. Donc dans cette invocation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que celui qui est touché par des soucis ou bien de la tristesse, qui dit « Allahumma inni abduk, ibn abdik, ibn amatik, nasiyati biyadik, madin fiya hukmuk, adlun fiya qada'uk, as'aluka bi kulli ismin huwa lak, sammayta bihi nafsak, aw anzaltahu fi kitabik, aw 'allamtahu ahadan min khalqik, aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghayb 'indak, an taj'ala al-qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba hammi. » Cette invocation là, celui qui l'a dit, alors il verra ses soucis et sa tristesse se dissiper. Qu'est-ce qu'on dit? On dit Allahumma inni abduk, ibn abdik, ibn amatik, nasiyati biyadik, madin fiya hukmuk, adlun fiya qada'uk, as'aluka bi kulli ismin huwa lak, sammayta bihi nafsak, aw anzaltahu fi kitabik, aw 'allamtahu ahadan min khalqik, aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghayb 'indak. Donc On dit, ô Seigneur, je suis ton serviteur, fils de ton serviteur, fils de ta servante, mon toupet est dans ta main, ton jugement à mon sujet s'accomplit, ton décret me concernant n'est que justice, je te demande, par tous les noms qui t'appartiennent, par lesquels tu t'es nommé, par lesquels tu t'es nommé, ou tu as révélé dans ton livre, ou que tu as enseigné à une de tes créatures, ou que tu as gardé pour toi dans la science de l'invisible, de faire que le Coran soit une ondée pour mon cœur et une lumière pour ma poitrine, qu'il dissipe ma tristesse et fasse disparaître mes soucis. Donc, hada dua, donc ça c'est l'invocation quand c'est le prophète sallam pour la tristesse. Donc la personne, lorsqu'elle est touchée par une quelque forme de tristesse, lorsqu'il a des soucis, alors il invoque Allah par cette invocation qui est immense. Aussi, on a d'autres invocations qui sont apportées dans ce sens. On peut dire, oh Allah, je cherche protection auprès de toi contre les soucis, la tristesse, l'incapacité, la paresse, la lâcheté, l'avarice, le fardeau des dettes, l'oppression des hommes, par exemple. Et il y a d'autres invocations que lorsque la personne y voit, qu'il est touché, qu'il est en détresse, qu'il est affligé, qu'il a des soucis, donc qu'il est attristé, et bien ça, c'est des invocations. Et en ces invocations-là, lorsqu'on invoque Allah Jalla wa Ala de cette manière, le prophète ensemble nous dit qu'Allah Jalla wa Ala dissipera nos soucis. Donc nos soucis vont se dissiper, notre tristesse va se dissiper. Et souvent, souvent, alors qu'on est touché, ça c'est un grand rappel, pourquoi? Parce que souvent, alors qu'on est touché par des formes d'angoisse, des formes de soucis, de la tristesse, de la détresse, et bien souvent la dernière des choses qu'on fait, au lieu d'invoquer Allah Jalla wa Ala, eh ben, on essaie de trouver d'autres remèdes. Et la dernière des choses qu'on fait, c'est justement d'invoquer Allah Jalla wa Ala. Et beaucoup, beaucoup et souvent, souvent, on omet d'invoquer Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alors, on délaisse cette invocation et on essaye de trouver des remèdes ailleurs. Et c'est pour cela qu'on voit qu'il y a des gens qui n'ont jamais trouvé de remède contre leur détresse, leurs états dépressifs, contre leur dépression et autres. Ils n'ont jamais trouvé de remède. Bien au contraire, ils n'ont fait qu'intensifier leurs états dépressifs, leurs soucis, leur angoisse, leur tristesse et autres. Pourquoi? Parce que souvent, souvent, on omet et on néglige de revenir vers notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et de ce fait, lorsque la personne, il a une clé, c'est pour ça l'importance d'avoir une connaissance en eau sublime d'Allah subhanahu wa ta'ala et de connaître son Seigneur. Pourquoi? Parce que comme on a dit souvent des allocations, dans les allocutions précédentes, le fait de connaître son Seigneur, eh ben, ça nous mène justement à constamment, n'importe quelle situation, l'invoquer et l'implorer. Regardez le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est celui qui connaissait Allah, Jalla wa Ala, le mieux. Et vous avez vu, à chaque instant, selon différentes situations, dans n'importe quelle situation, on voit comment le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait toujours cette manière de revenir vers Allah, subhanahu wa ta'ala, en n'importe quelle circonstance. Vous avez vu, lorsque vous lisez, c'est pour ça que c'est important de lire dans la vie du prophète, vous avez vu, en n'importe quelle circonstance, dans différentes situations, vous avez vu comment le prophète avait toujours habitude de revenir vers son Seigneur, de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et de même, de cette manière, comme cela, il enseignait à ses compagnons. Vous avez vu comment il enseignait à ses compagnons le fait de toujours revenir à Allah subhanahu wa ta'ala, en n'importe quelle circonstance. Regardez par exemple, lorsque la personne, il est touché, il est affligé, il est touché par une forme de tristesse, par des angoisses, il est affligé, regardez, il est dans la détresse. Regardez, le prophète, même dans cette situation-là, il nous apprend cette invocation. Donc si le prophète, sallam, il a enseigné cela, cette invocation pour la dissipation des soucis, de la tristesse, des angoisses, alors c'est qu'il faille la faire. Il faut invoquer Allah subhanahu wa ta'ala et enseigner ça autour de vous aussi. Pourquoi? Parce que très peu de gens ne sont pas touchés par ça. Surtout dans les nouvelles sociétés dans lesquelles on vit, surtout dans ces nouvelles sociétés modernes, on voit que malgré la modernisation, malgré l'évolution, malgré les progrès, on voit que les gens sont de plus en plus touchés par ces formes d'angoisse, par ces sentiments-là, par la tristesse. Malgré, on voit les progrès, mais ça n'empêche pas que les gens sont souvent dans la détresse. Les gens, on voit qu'ils sont souvent touchés, ils sont souvent dans des soucis. Alors, regardez, le musulman, lui, il a une richesse. La musulmane, elle a cette richesse, c'est une fortune. Le fait qu'on sait que dans ces moments-là, et le musulman, il peut être touché par, il peut avoir des moments plus prospères et des moments d'épreuve. Il y a des hauts, comme on dit, et des bas. Et ben, dans ces moments-là, lorsque la personne, il est affligée, eh bien, il faut revenir à ces invocations, c'est très important. Il faut apprendre et mémoriser ces invocations-là, les invocations que le prophète sallam nous a enseignées. Et regardez, et là, vous verrez la dissipation des soucis et des angoisses. Donc, enseignez ça autour de vous. Surtout, regardez, on a l'impression qu'on vit dans des sociétés à une époque où il y a un manque de baraka. On voit beaucoup que lorsqu'on observe le temps, lorsque les personnes ils observent, hein, leur argent, on voit que beaucoup de gens voient qu'il n'y a pas cette baraka. C'est pour cela que on voit que les gens, leur temps, il manque beaucoup de temps. Pourquoi? Parce que quand on n'a pas al-baraka dans le temps, alors on fait que très peu de choses. Malgré qu'il y a du temps, mais on fait que très peu de choses. Les gens ont de l'argent. Alors, ils ont des salaires, ils ont de l'argent, mais ils font que très peu de choses. Et c'est pour ça que les gens, malgré les progrès, malgré le fait qu'ils vivent dans des sociétés, comme ils disent, développées et modernes, mais on voit que les gens sont plongés dans les soucis, les gens sont angoissés. On voit que beaucoup de gens, c'est pour cela qu'ensuite, sombrent dans des formes de dépression. Et ensuite, ils cherchent des remèdes. Et ça, c'est quelque chose, il faut en parler. C'est des sujets dont il faut parler. Pourquoi? Parce que c'est la réalité de beaucoup de gens. Et c'est le quotidien de beaucoup de gens. Beaucoup de gens ont été rattrapés par cette réalité-là. Et c'est pour cela que ces gens-là, il faut leur dire qu'il y a des remèdes. Il faut les appeler à ça, il faut les faire revenir à ça, qu'il y a des remèdes dans la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Et vous verrez que beaucoup de gens qui sont touchés par ces mots-là, hein, et bien vous verrez que s'ils observent ça et s'ils font ces invocations que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseignées, vous verrez alors qu'ils trouveront un remède sans précédent pour leur détresse et leurs angoisses. Et vous verrez qu'ils verraient, ou bien ils vont constater, hein, ils constateront la dissipation de leur détresse, de leurs soucis. C'est pour cela que c'est très important d'apprendre soi-même cela pour pouvoir ensuite l'enseigner. Donc regardez, dans cette invocation, on voit que on n'invoque pas Allah Jalla wa Ala de n'importe quelle manière. On voit que c'est cette invocation qu'a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant la dissipation des soucis ou bien de la tristesse, hein, des angoisses. On voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné une invocation qui est immense. Regardez, de la même manière, lorsqu'on avait appris par exemple l'invocation, lorsqu'on veut consulter Allah, il n'y a pas très si longtemps, lorsqu'on veut consulter Allah, on a vu qu'en réalité cette formule elle était immense. Et il y avait des enseignements dans la formule, dans l'invocation, dans cette prière de consultation, que si on médite cela, on apprend cela et on connaît bien l'essence de cela, on verra qu'il y a des enseignements qui sont riches. De même dans cette invocation. Et parmi les enseignements de cette invocation concernant les soucis, la tristesse, les angoisses, et justement, c'est de ça que fait référence et allusion Cheikh Ibn Athaymin fait allusion à un passage lorsque dans la vocation, on dit, le prophète Sam nous a enseigné de dire, je te demande par tous les noms qui t'appartiennent, par lesquels tu t'es nommé, ou que tu as révélé dans ton livre, ou que tu as enseigné à une de tes créatures, ou bien que tu as gardé pour toi dans la science de l'invisible. C'est cet élément-là, ce passage-là, dont a fait allusion Cheikh Ibn Athaymin ici, l'auteur du commentaire. Ce passage, lorsque là il y a allusion au nom d'Allah, je te demande par tous les noms qui t'appartiennent, par lesquels tu t'es nommé, ou que tu as révélé dans ton livre. Donc vous avez vu, il y a des noms d'Allah Jalla wa Ala qui sont révélés dans son livre, ou que tu as enseigné à une de tes créatures, ou que tu as gardé pour toi dans la science de l'invisible. Ce passage-là montre, et les savants s'appuient sur ce passage. Ils disent que ce passage indique donc qu'il y a des noms qu'Allah Jalla wa Ala a gardés pour lui dans la science de l'invisible. Cette science qui est invisible pour nous, qui nous est inconnue. Donc il y a des noms qu'Allah Jalla wa Ala a gardés pour lui. Ce qui prouve et ce qui indique qu'Allah Jalla wa Ala a plus de noms. Donc il y a des noms qu'on ignore. C'est pour cela que l'imam Nawawi, comme on l'a cité précédemment, lorsqu'il a traité le sujet des noms divins, alors il a dit que les savants sont d'accord pour dire qu'il y a des noms dont on n'en a pas la connaissance. Et donc le nombre de nom divin et sublime n'est pas restreint. Donc vous avez vu, hein, l'importance ici d'apprendre les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment une personne peut revenir à Allah dans tous les moments? Les moments de détresse, les moments de difficulté, les moments où il a besoin de consulter Allah, les moments où il a besoin de lui demander, les moments où il a besoin de l'invoquer, les moments où il veut se faire pardonner. Comment est-ce qu'il veut invoquer Allah? Comment est-ce qu'il veut revenir vers Allah s'il ne connaît pas Allah subhanahu wa ta'ala? Vous comprenez bien à présent l'importance de connaître son Seigneur. Vous voyez maintenant là, l'importance de connaître le Seigneur qu'on adore. Ce Seigneur qui nous a créé, subhanahu wa ta'ala. Donc là, vous comprendrez bien pourquoi Shaitan, alors parmi les premières ruses, les premières portes, les premiers pièges que Satan, hein, que Iblis, dont il a été l'investigateur pour égarer les êtres, pour égarer les gens, on voit que l'une des premières choses, hein, parmi ses premiers pièges, c'est que la personne ignore son Seigneur, qu'il ne connaisse pas Allah, Jalla wa'ala, qu'il ne connaisse pas son Créateur. C'est pour ça qu'on voit que dès les premiers siècles, hein, dès les premiers siècles de l'islam, on voit qu'est apparue, par exemple, cette doctrine, la doctrine d'Al-Jahmiya, par exemple, d'Al-Mu'tazila. On voit qu'une doctrine est apparue, et des gens en sont apparus. Ces gens-là, parmi les premières choses qu'ils ont prétendu, c'est la négation des noms divins d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les premières choses qu'ils ont prétendu aussi, c'est la négation des attributs divins aussi, les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. À présent, lorsqu'on voit l'importance de connaître les noms divins, les noms d'Allah jalla wa'ala, de connaître son Seigneur, on comprend mieux maintenant pourquoi dans les premiers siècles, pourquoi dans les premières générations, on voit, et jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui s'efforcent de nier aussi bien les noms d'Allah, ou bien de nier les attributs divins d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que lorsque le croyant connaît son Seigneur, alors il va revenir vers lui, en chaque circonstance, à n'importe quel moment. Alors, il aura un lien fort avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le fait de nier, ou plutôt le fait aussi d'ignorer les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors la personne, il va pas connaître son Seigneur et ça va l'éloigner de lui, subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que Shaitan, parmi les premiers pièges, hein, dont il a été l'investigateur, c'est que les gens, les êtres ignorent leur Seigneur, ignorent Allah subhanahu wa ta'ala. Et de ce fait, ensuite, lorsqu'ils ne connaissent pas leur Seigneur, et d'autant plus alors, à plus forte raison, ils ne vont pas connaître la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors là, il pourra les mener où il veut, et il pourra en faire ce qu'il veut. Pour cela, il est fort de constater, si vous observez autour de vous, vous allez constater que beaucoup, par exemple, dans notre communauté de musulmans, par exemple, ne connaissent pas véritablement Allah, subhanahu wa ta'ala. Beaucoup, en réalité, ne connaissent pas les noms d'Allah, ne connaissent pas les attributs d'Allah, ne connaissent pas la perfection d'Allah, subhanahu wa ta'ala, l'immensité, la grandeur d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ne connaissent pas leur Créateur. C'est pour cela que, du fait qu'ils ne le connaissent pas réellement, alors ils ne reviennent pas vers lui dans les moments qu'ils ont besoin de lui. Ils ne savent pas qu'il y a, en toutes circonstances, on doit revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est bien même pour ça qu'ensuite, regardez l'imam al-Bukhari, dans ce chapitre, il mentionne le hadith célèbre d'Abu Huraira, ce hadith qu'on va étudier ensuite, où il est dit que le prophète sallam dit, celui qui va mémoriser, en réalité, d'un terme plus littéral, littéralement, celui qui va dénombrer, il est dit dans le hadith, celui qui va dénombrer 99 noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, il rentre au paradis. Il va rentrer au paradis. Et ce hadith, il est immense. Dans ce hadith, donc, il faut pas comprendre qu'il y a que 99 noms. Mais c'est dans le sens, celui qui va apprendre 99 noms parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien 99 de ces noms. Il faut comprendre comme cela. Donc, c'est 99 des noms parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, le prophète sallam dit, celui qui va les dénombrer, c'est-à-dire, comme il dit, man ahsa. Ahsa, dans le sens, on pourrait traduire littéralement dénombrer, mais ici, c'est dans le sens d'apprendre. Donc, le prophète sallam dit, celui qui va apprendre 99 noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, regardez la récompense immense, il rentre au paradis. Il rentre au paradis. Et pourquoi? Parce que ça, c'est vraiment, c'est quelque chose qu'a besoin le musulman. De connaître Allah, de connaître son Seigneur. La meilleure des manières de le connaître, c'est d'apprendre ses noms. Mais on a dit, ce n'est pas seulement les mémoriser. Mais c'est mémoriser, et avec cette mémorisation, c'est de les comprendre, de comprendre l'essence de ces noms. Et c'est pour ça qu'on a dit que chaque nom dénote un attribut. Donc on avait dit dans la question précédente, une règle très importante, un enseignement très important qu'on a appris, que les noms d'Allah Jalla Wa'ala ne sont pas exemples ou dénués de tout sens. Bien au contraire, ils renferment des sens immenses. Et ça, ça doit être des choses que le musulman apprend. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous incite à apprendre les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que celui qui les apprend, donc c'est le fait de les apprendre, de comprendre l'essence et d'œuvrer dans le sens aussi, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam me dit, la rétribution sera le paradis. Regardez, pour celui qui veut le paradis, pour celui qui veut la récompense immense d'Allah jalla wa ala, ces jardins qu'Allah jalla wa ala a préparé pour les croyants, cette récompense qui est très difficile d'imaginer. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il dit, il y a au paradis ce que nulle imagination ne peut s'imaginer, ce que nul œil n'a vu et ce que nulle oreille n'a entendu. C'est une récompense qui est immense. La personne, son imagination est tellement limitée qu'il aurait du mal vraiment à imaginer ce qu'il y a réellement et véritablement dans le paradis qu'a réservé Allah Jalla wa Ala pour ses serviteurs. Et donc, de ce fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il y a ce que nulle imagination ne peut s'imaginer. Celui qui veut ce paradis, parmi les causes, parmi les œuvres à faire, le fait d'apprendre les noms d'Allah, subhanahu wa ta'ala, de les comprendre et d'agir en conséquence, c'est-à-dire dans le sens de cela. Ainsi, observez bien, celui, par exemple, qui connaît les noms d'Allah, subhanahu wa ta'ala, de ce fait, il pourra l'invoquer par ces noms-là. Puisqu'Allah, Jalla Wa'ala, veut de nous qu'on l'invoque. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدَعُوهُ بِهَا. Allah nous dit dans un verset, et à lui appartient les plus beaux noms, invoquez-le par ces noms-là. Donc Allah, Jalla Wa'ala, veut qu'on l'invoque par ces noms. Et d'ailleurs, ça sera le prochain chapitre. L'imam al-Bukhari va consacrer, dédier un chapitre concernant le fait d'invoquer Allah par ses plus beaux noms. Par ses plus beaux noms. Comme il va dire dans le prochain chapitre, بَابُ السُّؤَالِ بِأَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى وَلِسْتِعَذَةِ بِهَا وَلِسْتِعَذَةِ بِهَا. On verra le chapitre concernant la demande d'Allah Jalla Wa'ala par ses noms, وَلِسْتِعَذَةِ بِهَا, et le fait de rechercher la protection d'Allah Jalla Wa'ala par ses noms. Donc on verra cela dans le chapitre prochain. Vous avez vu le mérite qu'il y a, le fait d'invoquer Allah Jalla Wa'ala par ses noms sublimes. Et de ce fait, celui qui connaît les noms d'Allah, il peut l'invoquer par ses noms sublimes. Et il saura comment invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Surtout par exemple, en pareille circonstance, en période de Ramadan, surtout dans les 10 dernières nuits du Ramadan. Et le serviteur, il doit faire des efforts. Comme on l'a dit, on a fait des rappels, on a fait maintes rappels. On doit faire des efforts. La personne, il doit se surpasser dans le sens que on ne sait pas si on va connaître un autre et un prochain Ramadan. On ne sait pas. Alors la personne, il faut vraiment qu'il y mette vraiment du sien, et qu'il fasse des efforts, plus que d'habitude. Et parmi les choses dont il est méritoire, il est bon et recommandé à faire en ces nuits, d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, de l'implorer, de lui demander. Il n'y a pas une meilleure manière que de l'implorer par ses plus beaux noms. Donc vous avez vu déjà juste le mérite de celui qui connaît les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, de pouvoir l'invoquer par ses plus beaux noms. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous exhorte dans ce hadith, et l'imam al-Bukhari n'a pas omis de mentionner ce hadith. Pourquoi? Surtout dans ce chapitre, on voit bien que l'imam al-Bukhari a carrément dédié et consacré un chapitre concernant les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. On voit que d'une manière générale, il a dédié de nombreux chapitres. Donc il a mentionné, évoqué de nombreux chapitres concernant l'étude des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais dans ce chapitre bien précis, là il parle des 99 noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc il mentionne ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui les apprend, alors il rentre au paradis. Ma'na al-ihsa. Maintenant ce qu'il faut comprendre pour terminer, dans ce hadith, il est dit al-ihsa en arabe. Al-ihsa ma'rifatuha. Lafdan wa ma'na. Et Cheikh al-Athamin nous dit dans l'explication, ça veut dire c'est la connaissance de ces noms au niveau du prononcé, l'énoncé, ou un marna, c'est-à-dire au niveau du fait de les dire, l'énoncé, mais aussi, comme on l'a dit précédemment, au niveau du sens. Et donc, demander à Allah Jalla wa Ala par ces noms-là. Par exemple, si on recherche la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, et on veut demander à Allah Jalla wa Ala qu'il nous fasse miséricorde, l'implorer en mentionnant son nom, le miséricordieux. Ô toi le miséricordieux, fais-moi miséricorde. Donc vous demandez à Allah Jalla wa Ala par son nom, le miséricordieux subhanahu wa ta'ala. Par exemple, on veut qu'Allah Jalla wa Ala soit généreux envers nous, vous pouvez l'invoquer par son nom, subhanahu wa ta'ala, le généreux, al-karim. Al-karim, vous avez vu? Lorsqu'on veut, par exemple, qu'Allah Jalla wa Ala nous secourt, alors on l'invoque par son nom, par ses noms qui dénotent cela. Et de ce fait, on adore Allah Jalla wa Ala par cela. فَقَالَ مَعْنَ الْإِحْسَانُ مَعْرِفَتُهَا لَفْظًا وَمَعْنًا وَسُؤَالُ اللَّهِ بِهَا وَالتَّعَبُّدُ لِلَّهِ بِمُقْتَضَاهَا وَهَذِهِ الْأَسْمَاءُ الْمَعْرُوفَةُ الَّتِي يَنْشُرُهَا النَّاسُ غَيْرُ صَحِيحَةٍ بَلْ هِيَ مُدْرَجَةٌ مِنْ كَلَامِ بَعْضِ الرُّوَاةِ. Et là, Cheikh Al-Uthaymeen fait allusion à quelque chose d'important. Il dit aujourd'hui, on retrouve par exemple certains récits où il y a la mention des 99 noms. Il y a la mention de 99 noms divins. Il dit, ces récits-là ne remontent pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ces récits-là, il dit, sont mudraj. C'est-à-dire, ce sont en réalité les paroles de certains transmetteurs ou certains rapporteurs. Sinon, on n'a pas un récit remontant jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam où il y a la mention des 99 noms. C'est-à-dire, où que tous les 99 noms sont cités. C'est-à-dire, comme si ça serait une sorte de liste. Une liste avec la mention de tous les 99 noms. Mais les 99 noms d'Allah Jalla wa Ala, qu'Allah a révélé, dont on en a la connaissance, on les trouve, ils sont dans le Coran, et ils sont dans des hadiths authentiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils sont dans la sunna du prophète, on les retrouve, et ils sont dans le Coran aussi. Mais il n'y a pas un texte qui réunit tous ces noms. C'est-à-dire qu'on n'a pas un hadith où il y a les 99 noms qui sont réunis tous d'un coup. De ce fait, vous pouvez observer que Cheikh Ibn Uthaymeen, à la fin de son commentaire, dans ce chapitre, il fait allusion à cela, en disant que ce qui est rapporté n'est pas authentique, mais c'est plutôt la parole ou des récits de certains transmetteurs. Donc ça s'arrête à certains transmetteurs ou rapporteurs, mais sinon ce n'est pas des textes ou des récits qui sont authentiques. Mais ça exclut pas le fait que, c'est pour cela qu'ensuite, il y a des grands savants qui sont venus et qui ont fait, en quelque sorte, qui ont répertorié tous les noms d'Allah Jalla wa Ala, qu'ils ont trouvé dans le Coran et dans la Sunna. Aussi bien dans le Coran et dans la Sunna. C'est pour ça que vous pouvez retrouver que certains savants ont fait ce travail, comme lui-même, l'auteur, Cheikh Mohammed ibn Saleh Al-Uthaymeen, rahimahullah, lui-même, Cheikh Al-Uthaymeen, l'a fait dans son livre, Al-Qawa'id al-Muthla. Al-Qawa'id, les règles exemplaires concernant les noms divins et les attributs de perfection. Donc c'est un livre qu'il a rédigé lui-même et il a aussi commenté son œuvre. Donc Cheikh Ibn Uthaymeen a aussi bien écrit l'œuvre et l'a aussi bien commenté. C'est pour ça qu'on retrouve le commentaire de ce même livre. Et dans ce livre-là, Al-Qawa'id al-Muthla, les règles exemplaires concernant les noms divins, Cheikh Ibn Uthaymeen a fait ce grand travail. Il a fait ce travail d'observer dans le Coran et dans la Sunna et de répertorier tous les noms d'Allah Jalla wa Ala qui sont dans le Coran et dans la Sunna. De ce fait, il a répertorié les 99 noms dont on a la connaissance. Ces 99 noms qu'Allah Jalla wa Ala a révélés qui sont dans le Coran et dans la Sunna. C'est pour ça, si vous voulez les retrouver, vous pouvez vous référer par exemple à Al-Qawaid al-Muthla. Vous allez voir la liste. Et vous allez voir que Cheikh Ibn Uthaymeen explique cela d'une manière détaillée. Wallahu a'lam, on va se quitter sur cela. Wa billahi tawfiq, fa nas'allaha jalla wa ala, ya al-muqallib al-qulub thabbit qulubana ala dinik, Allahumma innaka afuwan tuhibbu al-'afwa fa'fu 'anna, Allahumma arham mawtana wa shfi mardana, Allahumma thabbitna bil-qawli thabiti fi al-hayati ad-dunya fi al-akhirah, Rabbana atina fi ad-dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وصلي اللهم وسلم على شرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.